إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 21 dans l'explication du livre الأدلة الشرعية لكشف التلبيسات الحزبية على المجتمعات الإسلامية du chef Hassan ibn Qasim al-Najdi. Et on continue, qu'est-ce qu'on a commencé la semaine passée? On parle du point qui a rapport avec les questions d'ijtihad de la part de certains ulama de Ahlus Sunnati wal Jama'a qui auraient fait des fatwas pour, disons, permettre dans certains cas de participer ou de voter pour certaines personnes. Et on est en train d'expliquer justement l'attitude à prendre face aux fatwas des ulama et les extrêmes par rapport à cette position-là entre les haddadiyya, les haddadiyin, ceux qui n'ont aucun respect pour personne, ni les ulama d'Ahl al-Sunnah, et qui rabaissent bien entendu les ulama d'Ahl al-Bid'a, ça c'est normal, mais ils mettent au même niveau les ulama d'Ahl al-Sunnah et les ulama d'Ahl al-Bid'a, et il y a les sururiyya qui élèvent les gens de Bid'a et qui les traitent comme des ulama d'Ahl al-Sunnah, qui les élèvent et qui rabaissent les ulama d'Ahl al-Sunnah. Donc, eux, la différence, comme le cheikh l'explique, la différence qu'ils ont avec les ulama, avec les haddadiyya, c'est que non seulement, au lieu de rabaisser et les gens de Bid'a, au lieu de rabaisser seulement les, comme c'est les haddadiyya qui rabaissent et les ulama d'Ahl al-Sunnah et les ulama des gens de Bid'a, eux, ils élèvent les gens de Bid'a et ils rabaissent les ulama d'Ahl al-Sunnah. Donc ça c'est la position d'extrémisme de la part de ces deux groupes-là, puis Ahlus Sunnah wal Jama'a qui est entre les deux, qui élève les ulama d'Ahlus Sunnah en général, même s'ils ont certaines erreurs qu'ils ont faites dans certaines ijtihads et qui rabaissent les ulama de, ou les gens de Bid'a qui sont des égarés ou des gens qui sont sur la Bid'a et l'innovation et l'égarement. Donc, on va commencer à lire le passage où le chef explique ce point-là. Le chef il dit: أما تفريط السروريين فإنهم عظموا أهل البدع وأطلقوا عليهم ألقابا منها أئمة وشهداء وجعلوا طماتهم من قبل الاجتهاد مع اشتراكهم مع الحداديين في الطعن في علماء السنة. وهذا الصنيع مخالف لما عليه سلفنا الصالح وعلماء الدعوة السلفيون. Donc le cheikh il dit que en ce qui concerne les sururiyin, les sururiyun, le cheikh il dit فرقة السرورية فرقة ظهرت مؤخرا تبنت كثيرا من أفكار سيد قطب ويتزعمها حاليا محمد سرور ابن زيد العابدين وقد شنع عليهم علماء الدعوة السلفية في بعض مؤلفاتهم وأشرطتهم. Donc le chef dit que As-Sururiyya c'est un groupe ou une secte qui est apparue dernièrement et qui accepte ou qui ont accepté comme principe beaucoup des principes ou des idées de Sayyid Qutb, et à la tête de ce groupe il y a en ce moment Muhammad Surur Zain Abidin. et beaucoup de ulama de la da'wa salafiyya l'ont réfuté, les ont réfutés dans leurs livres et dans leurs cassettes. Donc ça c'est un petit résumé. En fait, les sururiyya, si tu veux résumer encore plus, c'est un groupe de personnes qui suivent le manhaj des ikhwan dans les questions politiques, dans l'attitude envers les gens de bid'a et dans les questions de politique, de démocratie, et ainsi de suite, mais qui ont certaines croyances qui sont en accord avec la croyance des salafs et la croyance d'Ahlus Sunnah, comme par exemple la question de Al-Asma al-Sifat. Dans les questions de Al-Asma al-Sifat, ils sont en accord avec Ahlus Sunnah wal-Jama'a, mais dans la question de Tawhid, ils se concentrent uniquement sur Tawhid al-Hakimiyya pour faire le takfir des hukam et des dirigeants. Et puis dans les questions de Al-Wala wal-Bara, eh bien, comme on a vu, ils élèvent les gens de bid'ah et ils rabaissent les ulama d'Ahlus Sunnah et ils les insultent et ils les traitent par toutes sortes de qualificatifs rabaissants. Et donc ça c'est leurs caractéristiques les plus connues. Ensuite le cheikh il dit que les sururiyya, ils ont respecté et ils ont montré beaucoup de respect et d'honneur aux gens de bid'ah. Et ils les ont donné comme qualificatif ou comme surnom les termes comme a'imma ou bien shuhada, et ils ont fait comme ils ont dit que ce sont des martyrs, des imams, et ils ont fait de leurs erreurs ou de leurs égarements, des graves erreurs qu'ils ont fait, ils les ont mis dans la catégorie du jihad, comme si c'était des efforts qu'ils ont fait dans pour arriver à un jugement ou à une vérité, et puis ils les traitent comme la même façon que des imams de Ahlus Sunnah qui se sont trompés ou qui ont fait des erreurs. Et bien entendu, comme on l'a expliqué déjà, il y a une grande différence entre les erreurs des savants de Ahlus Sunnah wal Jama'a et les erreurs des Mubtadi'a et des gens d'égarement. Parce que les gens d'égarement, leurs fondements sont déjà dans l'erreur à partir de leurs fondements. Et donc, quand ils tombent sur une mauvaise réponse, une mauvaise conclusion, c'est tout à fait normal puisque leurs fondements sont mauvais. Et donc, quand ils établissent leur jugement, ils se basent sur des fondements qui sont erronés, qui sont incorrects. Et donc, c'est comme tout à fait normal qu'ils arrivent à des mauvaises conclusions. Tandis que les ulama de Ahlus Sunnah wal Jama'a se basent sur des fondements qui sont véridiques, qui sont bons. Sauf que durant l'analyse de certaines questions ou durant la recherche sur certaines questions, quand ils cherchent la vérité, ça peut arriver qu'ils se trompent dans certaines questions ou dans certains points ou dans certaines déductions, et donc ils tombent dans l'erreur dans certaines questions et non pas dans les fondements de leur manhaj. Et c'est pour ça qu'on les considère comme étant des grands ulama et on les excuse pour ces erreurs-là et on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour eux et on les continue de les respecter et de les traiter comme étant des gens de la sunna. Contrairement aux innovateurs et aux gens de bid'ah qui ont comme principe et comme fondement l'égarement et la contradiction de la sunna. Donc il ne faut pas mélanger les deux choses. Toutefois les sururiyya, ils sont d'accord avec les haddadiyyin pour attaquer les ulama d'Ahl sunna et pour ne pas leur donner leur respect. Haddadiyyin c'est les autres extrêmes, ceux qui n'ont respect pour personne. Parmi les gens, que ce soit des ulama d'Ahlus Sunnah, ils les mettent au même niveau que les gens de bid'ah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le cheikh il dit, cette attitude-là de la part de ces sururiyyin, c'est une attitude qui est contraire à l'attitude des salaf salih et à l'attitude des ulama de la da'wa salafiyya. Ensuite le cheikh il dit, pour supporter ce principe-là et ces paroles-là, il donne des exemples des paroles des imams de l'islam et de la sunna, comme par exemple l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi, dans son livre « L'Umu'atul I'tiqad al-Hadi ila Sabil al-Rashad ». Le cheikh Ibn Qudama al-Maqdisi il dit « Wa min al-sunna hujran ahlul bid'a wa mubayanatihim wa tark al-jidari wal khusumati fi al-din » وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم وكل محدثة في الدين بدعة. Donc le cheikh il mentionne dans ce passage de cette citation, il dit que parmi les articles ou les choses qui font partie de la sunna, il y a le fait qu'il faut boycotter ou s'écarter des gens de bid'a et se séparer d'eux complètement et ne pas discuter ou débattre avec eux et de faire des discussions et des débats dans la religion avec eux et de laisser tomber le fait de ou d'abandonner le fait de regarder dans les livres des gens de bid'a, c'est-à-dire on n'a même pas le droit de regarder dans leurs livres, hein, sans même mentionner le fait de lire leurs livres, hein. J'ai dit à n'avoir, hein, c'est-à-dire même pas de regarder dans leurs livres. وَالْإِسْرَائِلَ كَلَامِهِمْ et d'écouter, hein, de prêter l'oreille à leurs discours, à leurs paroles, hein, parce que tout égarement est une bid'a, toute innovation ou chose nouvelle dans la religion est une bid'a. Bien sûr, mais comment on les connaît? C'est du fait que les savants de l'islam nous avertissent contre eux. Et lorsque les ulama d'Al-Sunna, ils nous disent que ceux-là sont des gens de bid'a, alors on n'a pas le droit par la suite de les écouter ou de lire leurs livres. Si par exemple aussi, on reconnaît dans la parole de certaines personnes les propos des gens de bid'a qui sont clairement des propos de bid'a, dans ce cas-là, bien entendu, on a des précautions à prendre vis-à-vis des gens qui expriment ces idées-là ou ces propos-là, puisque ce sont des propos qui ne font pas partie des principes de la sunna ou qui sont en contradiction avec la sunna. Donc, il faut avoir des précautions puis demander aux ulama à propos de ces personnes-là avant même de les écouter, avant même de leur donner un auditoire ou bien de lire leurs livres, de se renseigner à propos des gens de qui on prend la science avant de prendre la science de ces personnes-là. Ensuite, le cheikh il dit: وقال أبو عثمان الصابوني واتفقوا على ذلك واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله بمجانبتهم ومهاجرتهم. Ça c'est les paroles citées de l'imam Abu Uthman al-Sabouni, rahimahullah, qui est un autre parmi les imams des salaf. Abu Uthman al-Sabouni, il dit dans son livre Aqidat al-Salaf wa Ashab al-Hadith, et que les imams des salaf et les ulama de Ahl Sunnah et les ulama des salaf, ils sont tous d'accord que on doit être dur et prendre le dessus sur les gens de bid'a et les humilier et les éloigner et les repousser et s'éloigner d'eux et ne pas les prendre comme des compagnons et ne pas rester avec eux, ne pas s'asseoir avec eux, ainsi de suite. Tout ça on le fait pour se rapprocher à Allah, avec l'intention de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et de s'écarter d'eux et de les boycotter ou de s'en éloigner, de s'en écarter complètement, hein. Donc ça c'est les règles à suivre par rapport aux gens de bid'a, hein. Ensuite, dans une autre citation qu'il mentionne, les paroles de Muhammad ibn Abi Hatim, le fils de Abi Hatim, il dit: j'ai entendu, il dit: Sami'tu Abi wa Aba Zur'a ya'muran bihujran ahli al-zayr wal bid'a wa yughallidhan fi dhalika ashadd at-taghlid wa yunkiran wad' al-kutub برأي في غير آثار وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا. سأتي للعقيدة الإمام أبو زرعة ابن أبي حاتم الرازي. Le fils de l'imam Ibn Abi Hatim, il dit: j'ai entendu mon père, Abu Hatim al-Razi, et Abu Zur'a al-Razi, ce sont deux parmi les grands imams de la Sunna, parmi les imams des salaf, ils ont dit que tous ces deux-là, ces deux grands savants-là, ils ordonnaient aux gens de s'écarter des gens de l'égarement et de la déviation, et ils prenaient ça très au sérieux, ils mettaient beaucoup d'insistance là-dessus, prenez ça très très très au sérieux et de la plus grande, du plus grand sérieux que tu peux pas imaginer. Yani, il mettait beaucoup d'importance sur ce point-là et il dénonçait le fait de d'écrire un livre contenant des opinions qui ne sont pas basées sur des narrations ou sur des hadiths ou sur des hasards, hein. Et ils interdisaient tous les deux de s'asseoir en compagnie des gens de Kalam. Les gens de Kalam, c'est les gens qui se basent sur la philosophie et qui parlent d'Allah en se basant sur la philosophie et les principes de logique d'Aristote et autres. Donc, les gens de Kalam comme les Asha'ira et les Maturidiya et les Jahmiya et les Mu'tazila et ainsi de suite. Ça, c'est des gens qu'on appelle Ahlul Kalam. Le fait de participer, par exemple, à aller parler dans des gens, dans des endroits ou dans des mosquées où il y a des gens qui ont un manhaj qui est contraire au manhaj de Ahlus Sunnah wal Jama'a, contraire au manhaj des Salaf, tu t'en vas là-bas et que tu vas participer avec eux, puis que tu ne les critiques pas, puis que tu clarifies pas leurs égarements ou leurs erreurs, tu parles là-bas avec eux comme si rien n'était, alors dans ce cas-là, ça c'est quelque chose qui est en contradiction avec le manhaj des Salaf. Et une raison pour ça, c'est que les gens qui vont t'entendre parler là-bas ou qui vont t'écouter aller là-bas, eux, les gens de Bid'a, ils vont prendre ça comme une tazkiya, comme un genre pour essayer de dire ah, le fait que cette personne-là vient parler chez nous, c'est la preuve qu'ils nous considèrent comme étant des gens corrects, comme étant des gens qui ont une bonne voix, une bonne compréhension, une bonne façon de comprendre l'islam ou de suivre l'islam. Et donc ils vont prendre ça comme une référence pour égarer les gens par la suite. Et donc c'est pour ça que si quelqu'un s'en va parler par exemple dans une conférence où il y a des gens de bid'a et ils ne clarifient pas leurs égarements et leurs paroles qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna, alors dans ce cas-là ils ne devraient pas participer s'ils ne peuvent pas réfuter les gens de bid'a où ils vont parler. Non, c'est ça, c'est comme si, en fait, il faut voir, il y a des nuances. Si par exemple tu rentres dans une mosquée pour aller faire ta prière, tu pries et tu sais que les gens qui sont là-bas sont pas sur la voie des salaf et qui sont pas sur la voie d'Ahl Sunnah wal Jama'a, ils ont des bid'a. Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas là-bas, tu pries et tu t'en vas. D'accord? Tu vas pas rester pour écouter les discours ou les conférences qu'ils vont donner, parce que tu sais que ce sont des gens qui enseignent pas qu'est-ce qui est sur la bonne voie. Sauf si tu connais bien l'islam, tu connais bien la sunna, et que tu es capable de leur répondre au moment où ils parlent, tu vas aller dire une réplique pour réfuter les égarements qu'ils disent. Si c'est possible de le faire, dans ce cas-là, tu le fais. Sinon, c'est pas bon de rester là-bas, tu dois pas rester là-bas. Et si tu vas pour la prière de Jumu'ah parce que il y a pas d'autres mosquées dans les quartiers ou dans la région où tu es que cette mosquée-là, donc là tu vas prier ta prière puis tu t'en vas. Mais bien entendu, tu vas pas aller là-bas pour si tu as le choix d'aller dans une mosquée où il y a des salafis ou l'imam est salafi, tu vas pas choisir d'aller dans cette mosquée-là. Tu vas essayer d'aller dans la mosquée où il y a l'imam qui est salafi si tu peux y aller, si c'est pas trop loin, mais sinon, t'es excusé dans ce cas-là de prier là où tu peux, même si l'imam est pas sur la sunna. Wallahu a'lam. Tant que c'est pas une bid'a qui est kouf ou shirk qui le fait sortir de l'islam, dans ce cas-là, tu peux quand même prier derrière lui. Dans ces cas-là, wallahu a'lam. Ok. Et puis donc le cheikh il dit donc que les deux imams, Abu Razi et Abu Hatim Ar-Raziyan, ils interdisaient de s'asseoir en compagnie des gens de Kalam et de regarder dans les livres des gens de Kalam, et tous les deux disaient celui qui étudie le Kalam ou qui fait de la philosophie ou des trucs de ce genre, ils n'auront jamais de succès. لا يفلح صاحب كلام أبدا. الكلام littéralement ça veut dire la parole, sauf que la façon dont c'est utilisé par les ulama dans ce contexte là, le kalam, c'est une science qui est apparue après la période des salaf salih, les premiers musulmans, et ils utilisaient la méthode comme de philosophie et de théologie, par toutes sortes de méthodes philosophiques ou de comparaison par analogie pour essayer de déduire ou de comprendre Allah, de comprendre ses attributs, et ils établissaient des règles qu'ils considéraient comme étant logiques, puis par la suite ils établissaient ces règles-là sur le Coran et sur la Sunna, puis qu'est-ce qui était en accord avec ces règles, ils le prenaient dans le Coran et dans la Sunna, mais qu'est-ce qui est contraire à leurs principes dans le Coran et dans la Sunna, ils le déforment et changent sa signification pour que ce soit en accord avec leurs principes. Et ça, c'est la voie des mutakallimites. Non, et ça, c'est une voie d'égarement. Oui. Non, c'est pas nécessairement, lié à ça. Toutefois, il faut juste regarder dans ces domaines-là, dans le domaine des sciences humaines ou autres, toujours analyser les choses par rapport au Coran et la Sunna, et ramener les questions qui sont compliquées aux ulama de la Sunna pour qu'ils nous clarifient qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis dans ces questions qui ont rapport avec les sciences humaines ou autres. Parce qu'il y en a des égarés parmi les soi-disant prêcheurs aujourd'hui qui parlent de l'islam, et puis ils disent tout ce qui n'est pas contraire à l'islam, on le prend. Tout ce qui n'est pas contraire à l'islam, on le prend, on peut l'utiliser. Et le problème avec ça, c'est que les gens ne savent pas si c'est contraire ou non à l'islam. Et à cause du fait que leur connaissance du Coran et de la Sunna est trop limitée, et leur compréhension du Coran et de la Sunna est trop limitée pour leur permettre de savoir est-ce que quelque chose est en accord ou en contradiction avec le Coran et la Sunna, et ils ne ramènent pas ces questions-là aux savants de l'islam pour leur demander est-ce que c'est permis ou non. Et donc, qu'est-ce qui arrive en conclusion, c'est qu'ils s'imaginent que certaines choses sont correctes dans l'islam alors qu'elles ne sont pas correctes avec l'islam, et ils s'imaginent que certaines choses ne sont pas en contradiction avec notre aqidah alors qu'elles sont en contradiction avec notre aqidah, mais ça c'est dû à leur ignorance comme je disais tout à l'heure. Donc c'est très délicat, c'est très important de retourner aux savants pour juger justement dans ces questions-là. Ensuite, le cheikh dit, وقال القاضي أبو يعلى رحمه الله أجمع الصحابة والتابعون على مقاطعة المبتدعة. L'imam القاضي أبو يعلى, il disait que les sahaba et les tabi'un, ceux qui ont étudié avec les sahaba, ils étaient tous d'accord pour dire qu'il faut couper les liens avec les gens de bid'a, les mubtadi'a. Ça c'est rapporté dans Hajr al-Mubtadi' de Bakr Abu Zayd. Et la citation de l'imam Abu Hatim al-Razi et Abu Zur'a, yani rapportée selon le fils de l'imam Ibn Abi Hatim, ça c'est dans Sharh Usul I'tiqad Ahl-Sunnah wal-Jama'a de l'imam al-Lalakai. Ensuite, le cheikh il mentionne une autre citation, c'est une citation de l'imam al-Barawi, après avoir mentionné le hadith de Ka'b ibn Malik. Ka'b ibn Malik, c'était un des Sahaba qui n'était pas allé à la bataille de Tabouk. Il n'était pas parti à la bataille de Tabouk. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu, il a avoué au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'était pas parti, pas parce qu'il n'avait pas d'excuse, et il est venu admettre ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, je viens t'admettre que je n'avais pas d'excuse pour ne pas y aller. Ainsi de suite, j'étais en bonne santé, j'avais ce qu'il fallait, ainsi de suite. Donc, il est venu, puis il dit, j'attends le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a coupé lui ainsi que deux autres, parmi les sahaba, pendant 40 jours. Aucun musulman ne leur adressait la parole, même pas le salam. Donc, le cheikh, même pas leur femme, même leur propre épouse, exact. Donc le cheikh il dit, وفيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد. Même pas rien. Oui, le prophète sallam avait interdit même à leurs femmes d'avoir aucune communication ou contact avec ces femmes et avec aucun musulman. Et même à l'époque, il y avait un des sahaba qui était vieux, et donc à celui-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donné la permission à sa femme de s'en occuper de lui parce qu'il était trop vieux, il était malade, ou quelque chose comme ça, mais les autres, ils n'ont pas eu d'excuses. Donc, ça c'est à propos de ça. Le Cheikh dit wa fihi dalil ala anna hujran ahl al bid'a ala ta'bid. Wa kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khaf ala Ka'b wa ashabihi an-nifaq حين تخلفوا عن الخروج معه فأمر بهجرانهم إلى أن أنزل الله توبتهم وأعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم براءتهم وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم علماء السنة على هذا مجمعين ومتفقين على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم. Donc le cheikh il mentionne les paroles de l'imam al-Barawi au sujet du hadith de Ka'b ibn Malik et il dit, ça c'est tiré de Sharh al-Sunnah, il dit, il y a la preuve dans l'histoire de Ka'b ibn Malik qu'on a le droit de couper les liens avec les gens de Bid'ah et d'une durée de temps indéfinie. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand il a eu peur à propos de Ka'b et ses compagnons, les deux autres, que c'était des hypocrites, ils craignaient que ce soit des hypocrites, parce qu'ils étaient restés derrière lors de la bataille de Tabouk, lors de l'expédition de Tabouk. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à tous les sahaba de les couper et de ne pas leur adresser la parole et de ne pas avoir aucun contact avec eux jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala fasse révéler la repentance pour ces trois-là, qu'il avait accepté leur repentance, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a su par la suite qu'ils étaient innocents. Et ça, c'est resté comme une sunna parmi les sahaba, et parmi les tabi'in, et ceux qui les ont suivis, ainsi que les ulama de la sunna, ils sont tous d'accord, et ils ont tous été réunis là-dessus, le fait de prendre en opposition, et d'avoir de l'animosité et de l'opposition pour les gens de Bid'ah et de couper les liens avec eux et de ne pas les côtoyer et de ne pas rester avec eux, de faire ce qu'on appelle al-hajr. Al-hajr, ça veut dire s'écarter, s'éloigner de quelqu'un. C'est ça que ça veut dire. Al-hijra, c'est la même chose, ça vient de la même racine. Al-hajr et al-hijra, ça vient de la même racine. Al-hajr, ça veut dire tu te coupes ou tu t'éloignes de quelqu'un, ou tu t'écartes de quelqu'un. Donc, quand c'est des gens de bid'ah, ça fait partie de la sunna, ça fait partie de l'islam, de s'écarter de lui. Et le cheikh, il explique aussi que, également, le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, وَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ افْتِرَاقِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَظُهُورُ الْأَهْوَى وَالْبِدْعَةِ فِيهِمْ وحكم بالنجاة لمن اتبع سنته وسنة أصحابه صلى الله عليه وسلم. فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا أو يتهاون بشيء من السنن أن يهجره ويتبرأ منه ويتركه حيا وميتا فلا يسلم عليه إذا لقيه ولا يجيبه إذا ابتدأ إلى أن يترك بدعته ويراجع الحق والنهي عن الهجران فوق الثلاث فيما يقع بين الرجلين من التقصير في حقوق الصحبة والعشرة دون ما كان ذلك في حق الدين. فإن هجرة أهل البدع فإن هجرة أهل البدع الأهواء والبدع دائمة إلى أن يتوبوا. Oui, ça c'est encore dans شرح السنة de l'imam al-Bahawi. Il dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a annoncé que cette umma allait se diviser en 73 sectes, comme c'est mentionné dans le hadith, et que les gens de passion et d'innovation allaient apparaître. Et il a annoncé, il a décrété, il a jugé que les gens qui allaient être sauvés sont les gens qui suivent sa sunna et la sunna de ses compagnons. Radiallahu anhum, qu'Allah soit satisfait d'eux. Donc, une personne musulmane doit, lorsqu'elle voit deux personnes qui sont en train, lorsqu'un musulman voit quelqu'un en train de faire quelque chose qui a rapport avec les innovations, et les bid'as et les passions, mu'taqidan, c'est-à-dire il croit en ces innovations-là et en ces bid'as-là, ou bien qu'il dénigre, ou qu'il dénigre, ou bien qu'il, يعني كما يتهاون بشيء من السنن يعني il voit par exemple qu'il délaisse certaines des sunan, il ne prend pas, il leur donne pas une importance, hein. Donc dans ce cas-là, le musulman qui voit ça, il peut s'écarter de ces gens-là et يعني se désavouer de lui, de la personne qui fait ces innovations-là, et de le délaisser qu'il soit vivant ou mort, c'est-à-dire il se désavoue de lui, qu'il soit vivant ou qu'il soit mort, et il le laisse. Et lorsqu'il le rencontre, il ne lui fait pas le salam, et il ne le répond pas, il ne lui répond pas, hein, s'il lui donne le salam. Donc s'il le rencontre, et que la personne lui donne le salam, il ne lui répond pas, et lui, il ne commence pas non plus en lui donnant le salam, jusqu'à ce qu'il abandonne sa bid'a et qu'il revienne à la vérité. Et l'interdiction qui a été donnée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de s'écarter d'un frère pendant plus que 3 jours, ça c'est dans les choses qui ont rapport avec les conflits par rapport au droit de l'amitié dans la dunya, dans les affaires de la dunya. Si quelqu'un a manqué un droit de son frère dans les affaires de la dunya, dans ce cas-là, oui, il peut pas dépasser 3 jours, hein. Si tu as un conflit avec ton frère, tu t'es disputé avec lui pour quelque chose de la dunya, ou quelque chose qui a rapport avec les droits entre frères, dans ce cas-là, tu peux pas couper le lien que tu as avec cette personne-là pour plus que 3 jours. Parce que, ça c'est des, il y a un hadith à ce sujet-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit que quelqu'un coupe son frère, ou coupe les liens avec son frère pour plus que 3 jours dans les affaires de la dunya, ou des affaires qui ont rapport avec les droits de l'amitié, ou des choses comme ça. Toutefois, en ce qui concerne les questions qui ont rapport avec la religion, comme les innovations dans la croyance, ou les innovations dans la pratique religieuse, des choses de ce genre, alors le fait de couper les liens avec ces gens qui font des bid'a, qui suivent leur passion, ça c'est permanent, jusqu'à ce que la personne se repente, jusqu'à ce que la personne revienne à la sunna et abandonne sa bid'ah. Et donc, ça c'est quelque chose que beaucoup de monde ne comprennent pas. Ils disent toujours comme, ils pensent que le fait que quelqu'un soit sur une bid'ah, ils comparent ça au fait que quelqu'un, par exemple, t'ait fait quelque chose de mal, ou t'ait fait une injustice, ou quelque chose comme ça dans la dunya, puis là, les gens disent, ah, mais on est des frères, il faut s'excuser entre nous, il faut pas se diviser. Et ils ne réalisent pas que la bid'a et l'innovation, c'est pas quelque chose qui est comparable au problème que deux personnes peuvent avoir pour des questions d'argent, ou des questions de disputes pour des futilités dans la dunya, hein. Donc, le cheikh, il mentionne ensuite une parole de l'imam Malik, hein, rahimahullah, qui dit, la yusallim ala ahl al-ahwa. La yusallim ala ahl al-ahwa. وقال ابن دقيق العيد يكون ذلك على سبيل التأديب لهم والتبرؤ منهم. Donc le cheikh, il dit que l'imam Malik, il dit dans le livre Hajr al-Mubtadi', ça c'est de Abu Bakr Abu Zayd, dans son livre à la page 37, il a dit, on ne doit pas donner le salam aux gens de bid'ah, aux gens de ahwa, aux gens de passion. Et l'imam ibn Daqiq al-Aid, il disait que ça c'est pour donner une leçon, en fait, aux gens de bid'ah, c'est pour les punir, en fait, qu'on ne leur donne pas le salam, et aussi pour se désavouer d'eux. Ensuite, le cheikh, il dit, oui, c'est ça, le fait qu'on leur donne pas le salam, ça c'est juste un point à ce sujet-là, le fait qu'on donne pas le salam aux gens de bid'ah, ça ne veut pas dire qu'on fait le takfir des gens de bid'ah. Parce qu'il y a des gens qui s'imaginent que si tu donnes pas le salam, ça veut dire que tu les considères comme étant des kuffars. Et bien entendu, c'est pas nécessaire, c'est pas nécessairement le fait que tu donnes pas le salam à quelqu'un, ça veut pas dire que tu le considères comme étant un kafir. Tu comprends? Donc ça c'est bien important de distinguer là-dessus, de pas faire de mélange à ce sujet-là. Ensuite, Al-Shaykh dit, wa qala al-Khattabi, ba'da hadith Ka'b ibn Malik, fihi min al-ilm, أن تحريم الهجر بين المسلمين أكثر من ثلاث وإنما هو فيما يكون بينهما من قبل عتب من قبل عتب وموجدة أو لتقصير يقع في حقوق العشرة ونحوها دون ما كان من ذلك في حق الدين فإن هجرة أهل الأهواء والبدعة دائمة على مر الأوقات والأزمان ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق وفيه دلالة على أنه لا يحرج المرء بترك رد السلام لا يحرج المرء بترك رد سلام أهل الأهواء والبدع. Donc le cheikh il dit que l'imam al-Khattabi, après avoir mentionné le hadith de Ka'b ibn Malik, il dit il y a dans cela de la science, hein, la connaissance du fait que l'interdiction de s'écarter de son frère pour plus de trois jours, ça c'est uniquement pour les choses qui ont rapport à des conflits entre eux sur des questions qui ont rapport à des manquements ou à des blâmes dans les questions qui ont rapport avec les droits de l'amitié ou des choses de ce genre. Et non pas, ça n'a pas rapport avec les questions qui ont des liens avec les droits de la religion. Parce que le fait de couper quelqu'un ou de s'écarter de quelqu'un par rapport aux droits de la religion, comme les gens de Bid'a et les gens d'Ahwa, les gens qui suivent leurs passions et les innovations, ça c'est permanent. Et ça continue jusqu'à ce qu'on n'ait pas vu de la personne qu'il s'est repenti de ces innovations-là et qu'il est revenu à la vérité. Et il y a également la preuve que, dans ça, on a la preuve que on ne doit pas blâmer un musulman on ne doit pas blâmer un musulman ou un individu parce qu'il a cessé de répondre au salam des gens d'innovation et de bid'a. Le cheikh dit ensuite une parole de l'imam al-Shatibi. قال الشاطبي وقال الشاطبي فإن السلف الصالح نهوا عن مجالستهم ومكالمتهم وكلام مكالميهم وأغلظوا في ذلك. Ça c'est dans l'Al-I'tisar de l'imam al-Shatibi. Il dit que les salaf al-salih, ils ont interdit de s'asseoir avec les gens de Bid'a et de leur parler, et de parler dans, yani, au kalam ou mukallimihim, c'est-à-dire de parler à ceux qui parlent avec eux, hein, de parler à ceux qui parlent avec eux, subhanallah. Et ils ont été très sévères à ce sujet-là. Ensuite, le cheikh dit, وقال الشوكاني, l'imam الشوكاني, il dit, ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق معرفتها علم أن مجالسة أهل البدع المضلة فيها من المفسدة أضعاف ما في مجالسة من يعصي الله بفعل شيء من المحرمات ولا سيما لمن كان غير راسخ القدم في علم الكتاب والسنة فإنه ربما ينفق عليه من كذباتهم وهذيانهم وما هو من البطلان بأوضح مكان فينقدح في قلبه ما يصعب علاجه ويعسر دفعه فيفعل بذلك مدة عمره فيعمل بذلك مدة عمره ويلقى الله به معتقدا أنه من الحق وهو والله من أبطل الباطل وأنكر المنكر Donc, le chef ici mentionne cette parole de l'imam al-Shawkani dans Fath al-Qadir, dans le tafsir Fath al-Qadir, et il explique la raison pourquoi on doit s'écarter et ne pas s'asseoir avec les gens de bid'ah. Il dit que celui qui a connu la charia, la pure charia, et qui connaît cette charia comme elle mérite d'être comprise et connue, il va savoir que de s'asseoir avec les gens de bid'ah et d'égarement, les bid'ah qui sont égarantes, qui égarent le droit chemin, donc il va savoir que de s'asseoir avec ces gens-là, c'est quelque chose qui va amener des méfaits beaucoup plus grands, hein, que le fait de s'asseoir avec des gens qui font des péchés. C'est-à-dire, le danger de s'asseoir avec des gens de bid'ah, il est plus grand que de s'asseoir avec des gens qui font des péchés seulement. Pourquoi? Parce que, bien entendu, on sait que les bid'ah, c'est plus dangereux que les péchés. Parce que les bid'ah, quand tu les vois, tu sais que c'est haram. Si tu vois quelqu'un qui boit de l'alcool, tu sais qu'il fait quelque chose de haram. Et si tu vois quelqu'un qui joue à la, qui fait des jeux de hasard, tu sais que c'est haram. Et si tu vois des gens, par exemple, qui jouent pour de l'argent, un jeu de cartes ou des choses comme ça, tu sais que c'est haram. Et ainsi de suite. Mais tu vois des gens qui sont assis ensemble en train de danser et chanter, et ils disent des paroles que Allah aime, et ils disent des paroles de dhikr et de dua, puis tu les vois qui sont en train de tourner, en train de chanter avec les tambours. Quand tu vois ça en apparence, tu dis waouh, ça c'est des paroles que Allah aime, et tu t'imagines que c'est bon. Et en réalité, ce sont des paroles et des actions qui ne sont pas faites de la façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, et qui sont contraires à l'islam, et donc ça c'est des innovations, et c'est plus dangereux que de faire un péché. C'est plus dangereux de s'asseoir avec ces gens-là que de s'asseoir avec des gens qui sont en train de boire de l'alcool, parce que l'alcool, tu sais que c'est haram. Tandis que les bid'ah que ces gens-là sont en train de faire, eux ils les font en s'imaginant que Allah aime ça. Alors qu'il n'y a personne qui boit de l'alcool qui s'imagine que Allah aime qu'on boit de l'alcool. Ils savent, même s'ils le font, ils savent dans leur cœur que Allah aime pas qu'ils boivent de l'alcool. Donc le danger de la bid'ah est beaucoup plus grand que le danger du simple péché que quelqu'un peut faire. Et le cheikh il dit donc, en particulier de la part de quelqu'un qui n'a pas les pieds bien fermement ancrés dans la connaissance du Coran et de la Sunna, peut-être qu'il va s'asseoir avec des gens de bid'ah et il va entendre quelques-uns de leurs mensonges ou quelques-unes de leurs déviations, ainsi de suite, parmi qu'est-ce qu'ils ont de fausseté et de mensonge, et ça va rentrer dans son cœur et il va avoir beaucoup de difficultés par la suite pour l'éloigner. Hein. Même si pour quelqu'un d'autre qui a de la science, c'est très très clair que c'est des choses d'égarement et des choses qui sont fausses. Mais pour lui, étant donné qu'il n'a pas le niveau de connaissance pour être capable de comprendre ça, il tombe dans cette bid'ah, il s'assoit avec eux au début, il ne veut pas faire comme eux, mais ça rentre dans son cœur et il l'accepte. Hein, et il ne peut plus la repousser. Et il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala au jugement dernier avec ça dans son cœur, il croit que c'est la vérité, et alors qu'en réalité, c'est la plus grande défausseté et le plus grand mal. Donc ça c'est quelque chose qui nous explique le danger de s'asseoir avec les gens de bid'ah. Ensuite le cheikh il dit وهذا المنهج قلت هذا المنهج في التعامل مع أهل البدع هو ما عليه علماؤنا في الوقت الحاضر. Le cheikh il dit, et ça, cette voie et ce manhaj, dans l'attitude qu'on doit prendre envers les gens de bid'ah, c'est l'attitude que les ulama d'aujourd'hui sont en train de suivre. Et ils suivent cette méthodologie-là. Le cheikh il donne des exemples, l'un des savants de notre époque qui parle à ce sujet-là. Il dit, يقول الشيخ حمود التويجري رحمه الله وقد كان السلف الصالح يحذرون من أهل البدع ويغالون في التحذير منهم وينهون عن مجالستهم ومصاحبتهم وسماع كلامهم ويأمرون بمجانبتهم ومعاداتهم وبغضهم وهجرهم. الشيخ الذي dans son livre Al-Qawl al-Baligh fi at-tahdhir min jama'at at-tabligh, il dit, ce cheikh Hamoud al-Tawajri, rahimahullah, il est décédé maintenant, mais c'était un des grands savants en Arabie Saoudite, il dit, les salafs salih, ils avertissaient contre les gens de bid'ah, et ils avertissaient de cette façon-là très très sérieusement, yani, hein, ils allaient loin, yani, dans l'interdiction et l'avertissement contre les gens de bid'ah, et ils interdisaient de s'asseoir avec eux, de les prendre comme compagnons, d'écouter leurs paroles, et ils ordonnaient aux gens de s'écarter d'eux et de les éviter, et ils ordonnaient aux gens également de les détester et de s'opposer à eux, et également de s'écarter d'eux, de s'éloigner d'eux, de couper les liens complètement avec eux. Donc c'est des paroles qui sont très très sévères au sujet des gens de bid'ah. Ensuite, il mentionne les paroles de l'imam Cheikh Al-Fawzan. Il dit « وتحرم زيارة المبتدع ومجالسته إلا على وجه النصيحة له والإنكار عليه لأن مخالطته تؤثر على مخالطه شرا. الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم. وتنشر عدواه إلى غيره ويجب التحذير منهم ومن شرهم إذا لم يمكن الأخذ على أيديهم ومنعهم من مزاولة البدع، وإلا فإنه يجب على علماء المسلمين وولاة أمورهم منع البدع والأخذ على أيدي المبتدعة وردعهم عن شرهم، لأن خطرهم على الإسلام شديد. الشيخ الزي الشيخ فوزان الزي يتغذيب pour un musulman de visiter un innovateur, un mutadir, de le visiter, et de s'asseoir avec lui, excepté si c'est pour lui donner la nasiha ou pour le réprimander de ce qu'il fait, de ce qu'il dit. Ensuite il dit, parce que le fait de rester avec lui et de le côtoyer et de le fréquenter, c'est quelque chose qui va avoir un mauvais effet sur toi si tu le fréquentes. Et il dit ensuite, ça va faire en sorte que son malaise, ça va venir sur toi. C'est comme une maladie contagieuse. Hein, elle va tomber sur toi. Après, le chef il dit, et donc, il faut éviter et avertir, hein, il faut avertir contre les gens de bid'a et contre le mal qu'ils transmettent, s'il n'est pas possible de les prendre par la main pour les arrêter. Alors, dans ce cas-là, il faut s'écarter d'eux. Et, si on est capable, le chef il dit, si on n'est pas capable de les arrêter avec notre main, dans ce cas-là, il faut les empêcher de pratiquer leur bédard. Et il est oui, c'est ça. C'est-à-dire, tu dois t'écarter d'eux si tu n'es pas capable de les empêcher de propager leur bédard. Mais il dit, le chef, il dit, mais si, il dit toutefois, c'est obligatoire aux savants musulmans et aux dirigeants des musulmans. Comme si par exemple on est dans un pays musulman, puis il y a un dirigeant musulman, il est de son devoir à lui, et du devoir des musulmans, d'interdire ces bid'ah, ces innovations-là, et de les arrêter, les mubtadi'ah, hein, de les arrêter de faire, pour qu'ils arrêtent de répandre le mal qu'ils sont en train de répandre. Parce que le danger, leur danger est plus dangereux, est très dangereux pour l'islam et pour les musulmans. Donc, le cheikh Al-Fawzan, il explique un principe ici, et ça a été dit par d'autres savants également, c'est que les gens de bid'a, s'ils commencent à propager leur bid'a dans un pays musulman, ils doivent être arrêtés et mis hors de dans une situation, pardon, en fait oui, hors de capacité de nuire. Donc c'est ça que les savants ont appliqué souvent par rapport à des gens d'innovation et de bid'a, quand ils commencent à affecter d'autres personnes, on les emprisonne, on les met en prison, on les arrête, pour justement faire en sorte qu'ils cessent de prêcher leurs idées. Comme ils ont fait en Arabie Saoudite avec certains égarés ou certains innovateurs comme Safar Al-Hawali et Salman Al-Ouda qui ont été arrêtés et emprisonnés justement en Arabie Saoudite, ainsi que d'autres prêcheurs également qui prêchaient et répandaient des innovations et des égarements en Arabie Saoudite. Et ça a été le cas également de beaucoup de livres écrits par des innovateurs qui ont été interdits en Arabie Saoudite. Et ça, ça fait partie de l'islam, ça fait partie de la voie des salaf salih d'empêcher les innovateurs de propager leur innovation. Après le cheikh il dit, وقال الشيخ Bakr Abu Zayd, احذر المبتدع واحذر بدعته واعمل الولاء والبراء معه وتقرب إلى الله بذلك واهجره الهجر الشرعي منزلا على قواعد الشريعة وأصولها في رعاية المصالح ودفع المفاسد وإياك ثم إياك من تأمير الهوى وهجر من تأمير الهوى هجرا وتركا. Donc le cheikh il explique ici que le cheikh Bakr Abu Zayd il dit prends garde au sujet de l'innovateur, prends garde au sujet de l'innovateur et prends garde de sa bid'a et agis avec lui selon al-wala wal-bara, selon les principes de al-wala wal-bara, c'est-à-dire l'affiliation et le désavouement. T'allies avec les gens qui ont l'iman et qui sont sur la sunna, et tu te désavoues des gens qui n'ont pas d'iman et qui sont sur la bid'a. Et tu fais ça pour te rapprocher à Allah, c'est ton intention, tu dois être sincère là-dedans. Et tu t'écartes de lui de la façon qui est décrétée par la charia, en appliquant les règles de la charia et ses fondements, c'est-à-dire de prendre en considération les conséquences positives et les conséquences négatives qui vont découler de cette attitude-là ou de ce comportement-là. Donc les ulama, ils ont parlé justement à ce sujet-là, du fait que quand est-ce qu'on doit savoir, quand est-ce qu'on doit s'écarter ou boycotter quelqu'un ou non. Et les ulama ont expliqué que c'est par rapport à la conséquence ou à l'impact que va avoir sur cette personne-là le fait de se couper de lui ou de se désavouer de lui. Et donc les ulama ils vont expliquer que si tu connais une personne par exemple et que le fait de le couper les rapports ou les relations avec lui, ça va être quelque chose qui va avoir un impact positif sur lui, du fait que quand il va voir que tu lui adresses plus le salam et que tu cesse de lui parler, il va réfléchir à ça et ça va avoir un effet positif sur lui, il va revenir vers toi, il va te poser des questions, il va essayer de trouver, de corriger son erreur. Dans ce cas-là, oui, ça, c'est une chose qui est positive et donc tu agis avec lui de cette façon-là. Toutefois, si en agissant avec cette personne, tu vois que si tu le coupes complètement, au lieu de l'aider, au lieu de le rapprocher, ça va l'écarter encore plus de la sunna et il va s'enfoncer encore plus dans son égarement et dans son innovation. Alors dans ce cas-là, tu dois agir avec lui selon les conséquences qui vont amener le plus de bien, inch'Allah si c'est possible. Donc tu lui donnes les moyens de se rapprocher de plus en plus de la sunna en lui donnant le nasiha et en lui rappelant les choses qu'il fait que c'est pas bon et qu'il doit revenir au droit chemin. Donc ça c'est des exemples que les ulama ont détaillés dans les livres et dans les explications qu'ils ont fait à ce sujet-là. Ensuite le cheikh il dit et prend garde, et encore une fois il dit et prend garde de laisser les passions y aller prendre le dessus sur toi et aller dans la question de hajr et dans la question de l'abandonnement. Donc quand tu parles de questions qui rapportent, quand tu parles du fait de s'écarter de quelqu'un, ou de boycotter quelqu'un, ou de laisser quelqu'un, de s'écarter de quelqu'un, tu ne dois pas te baser sur tes passions pour faire ça, tu dois uniquement te baser sur, bien entendu, les principes de la charia qu'on a expliqués, et non pas les questions, tu te bases sur les passions dans le sens que, parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec toi pour une passion, quelque chose comme ça, tu décides de le boycotter ou de le couper et de plus lui adresser la parole, et non pas parce qu'il a réellement quelque chose qui est contraire à l'islam. Alors là, dans ce cas-là, c'est pas correct. Ensuite, le cheikh dit قلتو والنصوص في بيان هذا المنهج السوي في التعامل مع أهل البدع كثيرة جدا ومن أراد الاستزادة فلينظر ما ألفه السلف الصالح في كتبهم، فمن ذلك شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، والإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة العبكري، وشرح السنة للبربهاري، والشريعة للآجري وغيرها. Donc le cheikh il dit, ça ce ne sont que quelques textes qui sont des citations des savants pour expliquer ce manhaj. Ce ne sont que quelques citations pour expliquer le manhaj clair, le manhaj qui est clair au sujet de la façon d'agir envers les gens de l'innovation, et ils sont très très nombreux. Celui qui veut en voir plus, il n'a qu'à regarder dans les livres qui ont été écrits par les imams des salafs dans leurs livres. Donc le chef il dit, regardez par exemple le livre qui s'appelle Sharh Usul I'tiqad Ahl al-Sunnah wal Jama'ah de l'imam al-Lalakai. Regardez également le livre Al-Ibana par Ibn Battah et le livre Sharh Sunnah de l'imam al-Bardahari. Donc ça c'est quelques livres qui parlent de ce sujet-là, c'est quelques livres écrits par les imams des salafs qui, dans lesquels il y a des citations des imams des salafs qui nous expliquent l'attitude à prendre envers les gens de bid'a et le fait qu'on doit les couper, ne pas avoir des liens avec eux. Ensuite le cheikh il termine ça en disant wa ajma'u ma ulifa hadithan fi bayan dhalika bi dawabitihi kitab hajr al-mubtadi' le cheikh Bakr Abu Zayd wallahu a'lam. Il dit parmi les choses qui ont été écrites à ce sujet-là, il y a le livre qui a été écrit dernièrement pour expliquer les détails et les principes à ce sujet-là, le livre Hajr al-Mubtadi', c'est-à-dire comment se couper ou couper les liens ou cesser de côtoyer les Mubtadi', le Mubtadi', l'innovateur, écrit par le cheikh Bakr Abu Zayd. Wallahu a'lam. Et Bakr Abu Zayd, le cheikh Bakr Abu Zayd, rahimahullah, il est décédé maintenant. Toutefois, il a écrit des bons livres, comme ce livre-là, Hajr al-Mubtadi', c'est un des meilleurs livres qu'il a écrit. Toutefois, il a écrit d'autres livres également par la suite qui sont pas aussi bons que ça. Il y en a parmi ces livres qui ont été vraiment un peu confondants et mélangeants en fait. Et donc, c'est pour dire qu'il est passé à travers certaines étapes de sa vie où il a été un petit peu confus dans certaines questions, et il y a des shuyukh et des ulama qui lui ont répondu sur certains points. Et donc, mais bon, ça reste que Hajr al-Mubtadi', c'est un des bons livres qu'il a écrit. Après, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui parce que je pense qu'on a vraiment clarifié quand même ce point-là, cette question-là. On a mentionné plusieurs citations. Et puis moi, malheureusement, avec mon éternuement là, je me sens un petit peu fatigué là. Alors je vais m'arrêter ici, Inch'Allah. Et on continuera ça la semaine prochaine, Bismillah. Donc on s'arrête là. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.